لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bismillah, on continue notre série de cours dont l'objectif pour ce premier niveau est l'étude du poème de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule L'Amir ou aussi qui est connu sous le nom de Aqidatu Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Le nom le plus usé c'est L'Amiyatu Ibn Taymiyyah. Et donc on avait fait deux introductions, donc une concernant la manière de prendre la science, la deuxième sur, on a fait une introduction à la aqida, donc c'est-à-dire on avait donné la définition de la aqida et les différents thèmes qui s'y retrouvent. Et donc là aujourd'hui ce sera le dernier cours introductif à ce poème pour qu'on rentre là la semaine prochaine dans le vif du sujet. Et donc, Bismillah, c'est même surveiller la rubrique consacrée à la partie de la madrasa sur le forum, puisque Bismillah, en début de semaine, Inch'Allah, je vais poster donc le poème en arabe et en français. Donc, la nusra, la copie qui est celle que l'on apprendra tous par cœur, Inch'Allah, c'est-à-dire la copie sur laquelle on travaillera tous pour qu'on ait tous la même, qu'on n'ait pas de version différente. D'une version à une autre, parfois il y a certains mots, certains termes qui sont divergents. Donc Inch'Allah, on aura tous la même copie. Et donc, bismillah, avec les accents. Ce sera avec les accents, même vocalisés, et aussi avec la traduction en langue française. Donc, ce livre, ou ce poème que nous allons étudier, il est très court, il se compose de 16 vers. Et pourquoi avoir choisi un poème et un poème très court? La raison est pour que ce soit simple à mémoriser pour tous et toutes. Parce que la base dans les études, bien sûr, la base dans l'apprentissage, c'est la compréhension. Mais un des fondements aussi, et qui est devenu un peu négligé à notre époque, c'est l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur des petits moutons, le mouton de Moukhtasara, parce que c'est des livres qui sont dédiés spécifiquement à être appris. D'ailleurs, ce poème, il commence par Yassa, il dit Al-Mawhadi wa Aqidati. Wa Aqidati. Yassa, il dit toi qui me questionne. Donc ça veut dire que ce poème-là, cher l'Islam, Rahimahullah, il l'a écrit en réponse à une question qui lui avait été posée, et on peut déduire que c'est quelqu'un qui lui a demandé de lui écrire quelle était sa aqida, puisqu'il prenait Cheikh l'Islam, Rahimahullah, comme modèle dans la science et la connaissance de la religion, et voyant en lui un imam, il lui a sûrement demandé de lui écrire de manière très courte et très simple pour qu'il puisse l'apprendre et la graver dans son cœur, la aqida authentique de Al-Sunnati wal-Jama'a. Et donc nous, notre objectif, ça doit être d'essayer d'apprendre nous aussi ce genre de petits textes très courts pour que ça nous serve de base tout au long de notre vie concernant les connaissances que l'on accumulera au fur et à mesure de notre progression. Pourquoi ? Parce qu'on fait tout ce qui est des textes courts et concis qui sont destinés à l'apprentissage, c'est sur ça qu'on base la suite de nos connaissances. C'est-à-dire que ça constitue dans nos connaissances des piliers, ces petits textes courts, ça constitue un pilier, et ensuite tout ce que tu apprendras par la suite, tu le rangeras au-dessus, tu le poseras au-dessus de ce pilier, et quand tu réciteras ce texte que tu as appris, tout ce que tu auras lu qui concerne les sujets qui se trouvent dans ton texte, mémorisé, ils reviendront plus facilement. D'ailleurs, plusieurs parmi les savants contemporains, quand on les questionne au sujet de l'apprentissage par cœur, ils nous répondent que ce qu'ils détiennent comme science, ou ce qu'il leur reste comme science de toutes leurs études, c'est ce qu'ils ont appris par cœur. C'est ce qu'ils ont appris par cœur. Et cette méthode d'écrire la aqida sous forme de poème, ce n'est pas quelque chose qui fut spécifique ou qui commença à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Les livres écrits, les livres de l'aqida, les motoums de l'aqida écrits sous forme de poèmes, ils sont nombreux. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Donc c'est bien aussi qu'on fait une assise comme ça, de faire participer parfois pour que ce soit plus vivant. C'est une méthodologie qui convient d'utiliser, mais le fait que ça soit interactif aussi. Donc, est-ce que vous connaissez d'autres poèmes? Donc là, vous pouvez tous et toutes écrire dans le tableau. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous connaissez des poèmes qui sont donc dans l'aqida, donc dans le sujet que de l'aqida? Des poèmes dans le sujet de l'aqida. Non, que dans l'aqida. Donc, Nouniya. Non, Nouniya. Nouniya. C'est Muslim 95, Nouniya, tu vises lequel, puisqu'il y a au moins deux poèmes qui portent ce titre-là. Il y a au moins deux poèmes qui portent ce titre-là. Est-ce que vous avez du son, vous entendez? Vous entendez? Non. Donc Muslim 95, Nouniya, de quel auteur? De quel auteur? Nouniya, de quel auteur? Il y a deux poèmes qui portent ce titre de Nouniya, Naam, Ahkam. Voilà, c'est ça. Naam. Donc, comme dit la sœur Al-Islam, il y a deux Nouniya au moins. Il y a donc celle de l'Ahkam et celle de Mulqayyim. Donc ça fait, là déjà on a trouvé deux titres de poèmes dans l'aqida. Donc est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs qui peuvent nous citer des titres de poèmes dans l'aqida? Est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs qui peuvent citer des titres de poèmes dans l'aqida? Des titres de poèmes, des poèmes qui sont écrits dans, c'est-à-dire des poésies qui ont été écrites avec pour thème la aqida. Mais l'Issa al-Gharib, c'est plus c'est pas un poème dans la aqida, c'est un poème qui touche à la Tahawiya. Donc, Tahawiya, la Aqida Tahawiya, elle a été versifiée. À la base, Tahawiya, la Aqida Tahawiya, c'est un texte. Un maître, écrit par le nom de Ja'far al-Tahawi, mais il a été mis sous forme de poème par exemple, il y a donc chez Al-Shanaqita, les Mauritaniens de Shinqet, ce sont des spécialistes dans le fait de versifier les moutons. Et donc ils ont versifié, par exemple, l'Aqida al-Tahawiya. Et il y a aussi notre cheikh al-Fadl, Omar al-Hattouchi, faqallahu asraf, qui a fait une version versifiée de Tahawiya. Il a fait une version versifiée de Tahawiya. Donc ensuite, il y a aussi donc l'Aqida al-Safariniya, donc l'Aqida de l'Imam al-Safarini, donc qui s'intitule Ad-Durrat al-Mudiyya. C'est l'Aqida al-Firqat al-Mardiyya, c'est le plus connu sous le nom de l'Aqida al-Safariniya. Donc, Sulam al-Usul ila ilm, Sulam al-Usul ila ilm al-Usul de l'Hafiz al-Hakami. Ensuite, si vous pouvez l'écrire juste en français, parce que sur le papier, je n'ai pas l'arabe, ça me met des caractères que je n'arrive pas à lire. Si on peut m'écrire en phonétique, parce que j'arrive pas à lire l'arabe sur l'écran. Si on peut m'écrire en phonétique, j'arrive pas à lire l'arabe sur l'écran. Donc pour l'instant, on a trouvé, en plus de l'année de Moutainia, on a trouvé comme poème Al-Munir al-Qarani, Al-Munir ibn al-Qayyim, Al-Jawziya. Donc dans le titre c'est Al-Kafiya al-Shafiya, Al-Intisar lil-Firqat al-Najiya. Ensuite on a cité donc l'Aqida al-Safariniya, dans le titre Al-Durrat al-Mudiyya fi Aqd al-Firqat al-Mardiyya. Ensuite on a donc cité Sulam al-Usul ila al-Usul de Hafiz al-Hakami. Donc Ma'arij al-Qabul, c'est le Sharh que Hafiz al-Hakami a fait de son poème. Donc pour l'instant on a trouvé 4 poèmes. Est-ce qu'il y a encore d'autres frères et sœurs qui peuvent citer des poèmes de l'Aqida? Donc l'Aqd al-Farid, c'est quoi l'Aqd al-Gladiateur et l'Aqd al-Farid? C'est de qui plutôt? C'est de quel auteur? L'Aqd al-Farid. Parce que parfois, pour un poème, on peut le connaître sous d'autres noms. Pour ça, c'est important de citer, Inch'Allah, l'auteur, quand on cite le poème. Comme ça, même si c'est un poème qu'on n'a jamais lu, qu'on ne connaît pas, comme ça, des millions pour les chercher, pour les lire. Il y a un grand bien dans le fait de lire ces petits textes sous forme de poèmes très courts. L'Aqd al-Farid, ça me dit quelque chose. L'Aqd al-Farid de Moukoulan al-Maqdisi. Aql Farid. Tu es sûr que c'est un poème? Parce que je connais un livre qui est dans l'Aqid en dehors de l'Aqid, je ne connais pas de forme versifiée. existe aussi un poème. Nam fait gladiateur, toutes les rapports, ou plutôt toutes les mongomètres, dans le rappel que tu connais, des millets, si tu n'y a pas de souci. Au contraire, c'est pour qu'on essaie de voir ce qui a été écrit dans. Donc là, c'est un peu, on participe tous pour que ça soit. Que ça soit vivant. Comme ça, on essaie de rassembler un maximum de titres, pas juste pour décorer, mais pour que des millets, ceux et celles qui peuvent, essayent de lire ne serait-ce qu'une fois ces poèmes-là. Il y a beaucoup de frères à lire ce genre de nombre. Donc, Nénia, on les a cités, on a cité les deux Nénia. Celle de Moukaïm et celle de Kahtani. Donc là, tout ce qu'on a cité, c'est des nombres qui sont plus ou moins avancés dans le temps. Mais est-ce qu'à l'époque des Salaf, ça existait des livres ou plutôt des poèmes écrits dans la Aqida? Est-ce que ça existe à l'époque des Salaf, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après eux? Est-ce qu'à l'époque des Salaf, ça existait des écrits sous forme de poèmes dans la Aqida? Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ça n'existait pas à l'époque des Salaf, que les Salaf n'ont jamais écrit de livres dans la Aqida en forme de poème? Donc à l'époque de Salaf, rahimahumullah, il y avait déjà des écrits qui ont été écrits sous forme de poème. Par exemple, il y a un petit poème que peut-être les on fera, peut-être que Bibi on le fera par la suite. C'est Al-Ha'iyya de Ibn Abi Daoud, Abu Bakr Ibn Abi Daoud. Abu Bakr Ibn Abi Daoud, c'est le fils de l'imam Abu Daoud al-Sijistani. C'est le fils de Abu Daoud al-Sijistani, celui qui écrit Sunan, celui qui écrit As-Sunan. Celui qui est donc l'auteur du livre Al-Sunan. Donc l'imam Abu Daoud, comme vous lisez, Rawahu Abu Daoud, son fils Abu Bakr, il a écrit un poème dans l'Aqida qui s'appelle Al-Ha'iyya. Donc Abu Daoud, qui est donc Suleiman ibn al-Ashhas al-Sijistani. Donc son fils Abu Bakr, il a écrit un poème qui s'appelle Al-Ha'iyya. Et d'autres parmi les premiers, parmi les salafs, tous ceux qui sont venus un peu après, ont écrit aussi des poèmes dans l'Aqida. Par exemple, vous avez, en fait, donc c'est un petit dur. À l'époque, comme on avait vu dans notre cours d'introduction, ils l'appelaient Sunna. Ils appelaient l'Aqida Sunna. Et donc, des nombreux maîtres dans Sunna, à cette époque, il y en a eu d'autres, comme par exemple la mangoma de l'Khuzai, mangoma de l'Khuzai, qui est Sunna, ou mangoma de Karji, Al-Karji. Donc, on a le Nazm de l'Khuzai, le Nazm de Karji, le Nazm de Tabrizi, le Nazm de Sarsari, et on a aussi le Nazm de Al-Banjali, et donc celui de Ibn Abi Daoud. Ça fait donc dans l'époque des premiers, des anciens, en fait, des plus anciens poèmes qu'on a dans la Aqida, c'est les six là. C'est ces six poèmes là. Et je ne sais pas si on les trouve ou pas sur le net, en dehors de l'Ha'iyya, qui est plus connu, je ne sais pas si on les trouve sur le net. À la Kullihal, si ils ne sont pas, j'essaierai de les copier, j'essaierai de les copier, Inch'Allah, et les mettre sur le forum. Donc vous avez ces six poèmes-là, plus, donc on a cité la loi de Netanyahu, on a cité les deux Nomiya, celle de Qahtani et celle de Ibn Qayyim. Ensuite, on a cité de Hafez al-Hakami, on a cité Manzoumat al-Tahawiyya, on a cité aussi Manzoumat al-Wasatiyya. Ensuite, il y a donc en fait beaucoup de livres en fait qui sont écrits à la base, qui sont des motoums de base, ont été versifiés. Donc Tahawiyya a été versifié, le Wasatiyya a été versifié, le Ma'atli Atiqad a été versifié, l'Usul al-Thalatha, le Qawa'il al-Arba'a, ils ont été versifiés. Donc le Qawa'il al-Arba'a et l'Usul al-Thalatha, ils ont été versifiés par exemple par Saoud Shurin, Cheikh Saoud Shurin, un des imams de l'Haram al-Makki, il a fait une version en poème de l'Usul al-Thalatha et le Qawa'il al-Arba'a. Pareil, donc les livres de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ils sont parmi les motoums qui ont été le plus versifiés. Par exemple, donc en dehors de l'Usul al-Thalatha et le Qawa'il al-Arba'a, vous avez Kashf al-Shubuhat qui a été versifié, l'Usul al-Sitta, le Kitab al-Tawhid, vous avez encore une fois notre Cheikh Abu Omar, Abu al-Fadl, Omar al-Haddouchi, Faqallahu Asra, il a fait un poème. Le maître de Nawaqid l'Islam, donc ensuite il l'a commenté, bismillah, j'espère qu'on pourra le faire également. Donc en ce qui concerne mes livres qui à la base sont des motoums qui ont été versifiés par la suite, vous avez donc ces livres là. Sinon d'autres livres en dehors de ceux qu'on a cités qui sont des poèmes, il y a aussi l'Aqida de Nabi Zayd al-Qirwani qui a été versifié par un des imams de Malikiya de son époque, l'Ahsa'i, il a fait donc une version versifiée de l'Aqida de l'imam Ibn Zayd al-Qirwani. Sinon, comme autres poèmes qui ne sont pas des motoums, des textes scientifiques de base qui ont été par la suite versifiés, mais qui sont des poèmes originels dans l'Aqida. Vous avez un poème qui n'est pas très connu, mais qui est très bien, d'un des imams de la Da'wa al-Najdiya, Cheikh Ishaq ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh. Il a un poème qui s'intitule Al-Arjouzak al-Mufida, c'est Masail al-Tawhid. Ça, c'est un très bon poème dans l'Aqida. Ensuite, il y a d'autres comme qu'on pourrait avoir oublié, qui sont très connus comme poèmes dans le Mu'taqad. Allahu a'lam, je pense qu'on a fait le tour. À la coulée, vous voyez, on a cité, je pense, pas loin d'une vingtaine de poèmes dans l'Aqida. On a cité une parenthèse de Mahomet, de poèmes qui sont dans l'Aqida, sans compter les écrits des écrits de contemporains qui sont dans l'Aqida. Vous avez par exemple des mashayikhs dans des endroits, dans des pays où ils sont très peu donc médiatisés chez nous, voire même inconnus, qui ont des très bons poèmes dans l'Aqida. Par exemple, j'ai chez moi, j'ai pas le titre en tête, parce que je l'ai lu seulement une fois, cette manzoma, ainsi que son charge. C'est une manzoma d'un cheikh sénégalais dans l'Aqida, l'Aqida d'Al-Sunna al-Jama'a. Il avait écrit Al-Ahsa, c'est les gens dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Donc il était étudiant, il a étudié là-bas, il a écrit un poème dans l'Aqida. Il y a beaucoup de savants qu'on ne connaît pas, mais qui sont sur la voie de Al-Sunna al-Jama'a, cependant ils ne sont pas médiatisés. Ils s'en trouvent dans plusieurs Et donc voilà, pour en revenir à ce qu'on disait, la Aqida a de nombreux poèmes qui l'ont pris pour tel, et donc qui ont été faits pour simplifier l'apprentissage pour les étudiants. Parce que quand on apprend un poème, c'est beaucoup plus simple du fait qu'il y a la rime, il y a la métrique, etc., qui fait que lorsqu'on l'apprend sérieusement, en général, on ne l'oublie pas. En général, on ne l'oublie pas parce que c'est quelque chose qui reste gravé. Voilà en ce qui concerne les textes relatifs au poème écrit dans la Aqida. Donc, cette Aqida qu'on va étudier ensemble, bismillah, c'est la Aqida de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc aujourd'hui, le but de cette assise, c'est de faire de manière très très résumée, de parler de manière très très résumée de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parce que parmi le comportement à avoir quand on étudie un livre, un ouvrage d'un auteur, c'est d'en savoir un minimum sur son auteur. Je parle, quand je dis d'en savoir un minimum sur son auteur, je parle des auteurs qui sont connus et reconnus. Car bien sûr, quand quelqu'un cherche à prendre la science d'un auteur, il se doit de vérifier qui est cet auteur, car cette science est une religion, il nous convient de regarder d'où nous la venons. Donc, sur le sein de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le minimum que l'on doit savoir de lui, déjà, c'est comment il s'appelle. Cheikh l'Islam, il est Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-Hanbali. Donc il est Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-Hanbali, et sa cunya c'est Abu al-Abbas. Abu al-Abbas Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-Hanbali. Donc ça c'est son nom complet. Et il est né en 661 de l'Hijra. Il est né en 661 de l'Hijra dans la ville de Harran. À l'âge de 6 ans, il émigrera avec sa famille, avec son père, sa mère et ses frères de la ville de Harran pour Dimashq, dans la mesure où, à cette époque-là, les Mongols, les Tatars avaient envahi diverses régions, parmi lesquelles sa ville natale. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a grandi dans une famille qui était très religieuse. Il a grandi dans une famille très religieuse, versée dans les sciences islamiques. Son grand-père était un imam dans le madhhab. Son grand-père était un imam dans le madhhab Hanbali. D'ailleurs, il est l'auteur d'un livre qui fait office de livre de référence dans le madhhab Hanbali, qui est Al-Muharrar. C'est un livre, Al-Muharrar, Yustashhad bihi inda al-Hanabila. Ça veut dire que ce livre-là, c'est une référence que l'on cite comme source dans le madhhab. Son père était aussi un grand shir dans le madhhab Hanbali. Ses frères aussi étaient aussi versés dans la science et dans le madhhab Hanbali. Et lui aussi, dans son début, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a commencé ses études, l'établissement de ses fondements dans le fiqh sur le madhhab Hanbali. Et ceci, on peut le voir en lisant son livre qui est son charh sur Umdat al-Fiqh. Son charh sur Umdat al-Fiqh, c'est un charh qu'il a fait, qui est Hanbali, dans lequel il cite les différentes divergences qui existent au sein même du madhhab. Mais ensuite, par la suite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'est pas resté sur le madhhab Hanbali, mais plutôt Sharifa ibn Taymiyyah rahimahullah, c'était un mujtahid. Il était mujtahid, c'est-à-dire qu'il avait atteint le degré qui lui permettait non seulement, bon, il avait la connaissance globale des différents mazahibs, mais en dehors de cela, il était parmi ceux qui étaient capables de faire l'istinbat depuis une naissance de Bachar Atani, directement à partir des livres, à partir du Coran et de la Sunna, il était apte à tirer directement les enseignements qu'il y a dans les hadiths relatifs à l'ahkam, donc aux différents chapitres du fiqh, ainsi qu'aux versets relatifs au fiqh. Et de là se pose une question d'ordre méthodologique. Quelle méthodologie doit suivre l'étudiant débutant en ce qui concerne le fiqh? Est-ce qu'on demande au mubtadi dans le fiqh de directement aller dans un livre comme on met l'ahkam ou alors Bulugh al-Maram et de suivre les chapitres, de tirer directement de l'adillah ce qu'il y a comme enseignement à en tirer et baser son fiqh là-dessus, ou alors l'étudiant débutant doit commencer par étudier un mazhab en suivant l'ordre des livres écrits par les savants de ce même mazhab pour évoluer dedans, comme à l'image par exemple dans le fiqh al-Hanbali, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, il a écrit un livre qui s'appelle Ilmat al-Fiqh pour le débutant. Ensuite, il a écrit Al-Kafi. Ensuite, il a écrit Al-Muqni', dans lesquels ces deux livres-là, il s'est étalé par la suite dans les différentes divergences qui existent au sein même du Madhhab Hanbali. Et il a terminé par son livre, son célèbre livre, son encyclopédie dans le fiqh comparatif, dans le fiqh al-Muqaram, qui s'intitule Al-Mughni. C'est-à-dire le livre où là il ramène tous les avis qui existent chez les autres imams dans les différents sujets et démontre quel est l'avis le plus authentique. Donc en suivant cette méthodologie-là, il apparaît, et c'est ce qu'on conseille en général les gens de science, c'est de suivre, de commencer par l'étude d'un madhhab, en commençant par un matn, par un texte qui est très court et très simplifié, destiné à l'apprentissage par cœur, et ensuite, c'est la et dans une perspective d'étude religieuse, donc de continuer dans le suivi du madhhab en étudiant les livres qui viennent après, qui sont plus développés, non pas pour être un imitateur aveugle de ce qui se trouve dans le madhhab, mais cette méthodologie-là, elle est conçue pour ce qu'on appelle tasawwir al-masa'il fi al-dhihn. Ça veut dire, c'est pour pouvoir concevoir dans son esprit les différentes questions juridiques dans les différents chapitres de fiqh, et d'illustrer cela par les différents hadiths ou versets que l'auteur du matn dans son explication utilise comme exemple pour appuyer son avis. Donc le but de suivre un madhhab fiqhi, c'est pas d'être un imitateur aveugle, mais plutôt c'est pour pouvoir concevoir les questions juridiques de manière correcte, et ainsi de pouvoir utiliser et classifier les arguments qu'on apprend pour savoir les utiliser, puisque en tant que débutant, nous ne sommes pas aptes à pouvoir tirer de nous-mêmes comme ça les différentes sentences qui peuvent découler d'un hadith ou d'un verset. Et donc si ensuite la personne, elle peut évoluer dans son élève jusqu'à donc arriver au stade du fiqh comparatif, c'est-à-dire de voir les différents avis des autres mazahib. Donc on dit les autres mazahib, c'est aussi bien le mazahib Hanafi, Maliki et Shafi'i, donc dans une perspective où la personne suivrait le mazahib Hanbali, puisque c'était le mazahib que suivait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah au début de ses études. Mais aussi, il y avait d'autres madhhab qui existaient mais qui ont disparu, qui n'ont pas perduré avec le temps. Comme par exemple le madhhab de l'imam al-Awza'i, ou alors le madhhab de l'imam Soufiane al-Thawri et d'autres savants qui étaient contemporains de ces imams. Et donc dans le cas comparatif, on voit les avis de tous ces imams-là. Donc la méthodologie qui est préconisée et recommandée par les savants de manière générale, c'est de commencer avec un Matn Mukhtar, un texte très court dans un des quatre mazahib, et de l'apprendre par cœur si cela est possible, et de le lire avec un commentaire. Et encore la meilleure chose, c'est de le lire sur un cheikh qui est mutakhassis dans ce mazhab, un cheikh qui est spécialisé dans ce mazhab, qui a des chaînes de transmission, qui a des ijazat dans ce mazhab là, pour qu'il puisse vous retransmettre le mazhab correctement comme il nous l'a reçu de ses professeurs jusqu'à l'imam, à qui ça finit ce mazhab. Et donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il y en a un donné qui avait grandi dans une famille qui était réputée pour être une famille religieuse, et que son père et son grand-père étaient des savants, et que son grand-père était reconnu dans la mesure où il était l'auteur de Muharrar. Et subhanallah, du fait que le grand-père et le petit-fils, donc qui est Ibn Taymiyyah, seront été de très grands savants de leur époque, des imams de leur époque, le père de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on est venu se demander comment se fait-il que dans l'histoire des savants, on n'a pas conservé une aussi grande trace de lui que de son fils et de son père. Et à cela, il a été répondu que c'est normal, c'est car il s'est trouvé pris entre deux lumières. Il s'est trouvé pris entre deux lumières, ce qui fait que on n'a pas une trace aussi conséquente de lui à notre époque, dans la mesure où son père était le grand imam, auteur de Muharrar, et son fils était donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Alors quand il est arrivé à Dimash, dès qu'il a aidé son arrivée à Dimash, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il était quelqu'un de très assidu dans les différentes assises de science, et surtout, il était quelqu'un de très assidu aux audiences, à ce qu'on appelle les audiences de lecture des livres de la Sunna. Ce qu'on appelle Majalis Sima, qui était la méthodologie des savants anciens dans le hadith, c'est-à-dire le shir sassi, et il récite donc en plusieurs assises les livres de hadith avec leur chaîne de transmission, comme Bukhari, Muslim, etc. Et en faisant des annotations, donc on ne conseille pas faire c'est pas des commentaires qui sont détaillés, mais c'est des brefs commentaires quand il faut donc détailler certaines choses. Et ainsi que les livres de hadith jusqu'à nos jours continuent de se transmettre de la part des savants qu'on appelle Al-Musnidin, c'est-à-dire les personnes qui rapportent les hadiths avec leur chaîne de transmission en partant d'eux jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est rapporté de lui qu'il a assisté à de nombreuses audiences dans divers livres, que ce soit Al-Kutub Sitta. Il est rapporté qu'il a entendu en entier Al-Kutub Sitta, c'est-à-dire Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, qu'il a écouté aussi Al-Mu'jam de l'imam Tabarani, et qu'il a entendu de nombreux ajzah, de nombreux ajzah hadithiyah. L'ajzah hadithiyah, c'est des livres de savants du hadith qui sont anciens et qu'en général la masse ne connaît pas, et qui sont des livres regroupés sur un thème bien précis, qui sont donc des hadiths regroupés par thème bien précis, par exemple un juz dans l'aqida, ou bien un juz dans tous les hadiths rapportés concernant l'aïd, etc. Et alors, il a fait aussi l'écoute de ce qu'on appelle Al-Masanid. Al-Masanid, comme par exemple le Musnad de l'Imam Ahmed, ou bien le Musnad de l'Imam Abu Ya'la, et d'autres parmi les Masanid, mais celui de Al-Bazzar, etc. Et ça, ça représente énormément de hadiths, un livre qui a pour titre Al-Musnad, c'est un livre qui regroupe énormément de hadiths. Par exemple, juste le Musnad de l'Imam Ahmed, juste le Musnad de l'Imam Ahmed, et il représente environ 40 000 hadiths. 40 000 hadiths. Et pour écouter 40 000 hadiths en faisant des petites annotations dessus, ça prend énormément de temps. Au point qu'aujourd'hui, à notre époque, très rares sont ceux qui ont fait l'audience de Musnad. Les mashaïkh parmi les musnidines chez qui il est possible de croire le Musnad sont moins nombreux que pour les autres livres. Et subhanallah, tout à l'heure nous parlions de l'hifz, de l'apprentissage par cœur, et on disait que là, l'apprentissage par cœur, c'est quelque chose qui se fait sur les livres petits de base. Par exemple, en ce qui concerne le hadith, on pourrait prendre un exemple, on parlerait de l'Arba'in al-Nawawi, le 40 hadith de l'Imam al-Nawawi. Et aujourd'hui, subhanallah, on vient à une époque où même les muqtasarat, elles sont difficiles à être mémorisées. Même les muqtasarat, même les livres concis qui sont courts, ils sont difficiles à être mémorisés. Très peu sont ceux qui les mémorisent. Alors qu'à l'époque de nos prédécesseurs, c'était al-mutawwalat qui était apprise par cœur. C'était des livres qui sont détaillés, qui font plusieurs volumes, qui étaient appris par cœur. Et c'est une faïda qui, donc c'est un point de bénéfice qui m'est venu là quand on a parlé du fait qu'il a écouté le Musnad de l'Imam Ahmed. L'Imam Ibn Kathir, qui est un des élèves de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il le connaissait par cœur, par exemple. Il connaissait par cœur le Musnad de l'Imam Ahmed, 40 000 hadiths. Et ça, on le voit dans son tafsir, puisque toujours, quand il rapporte un hadith dans son tafsir pour expliquer un verset, il commence toujours en premier par rapporter un hadith qui se trouve dans le Musnad de l'Imam Ahmed. Et ceci, c'est car il le connaissait par cœur. Et de même, il y a une histoire qui vient de me venir en tête, que j'avais lu dans Sir Alam Mubala. C'était cette histoire-là, elle se passait à l'époque de l'Imam Moukassir. Il y avait un jeune Ajami, un jeune Noara, un converti à l'islam, si vous préférez, qui était venu là où se trouvait chez l'islam, parce que c'est aussi un de ses qualificatifs, l'imam Ibn Kathir. Donc là où se trouvait, il est venu dans la ville où se trouvait l'imam Ibn Kathir, et il s'asseyait pour donner des audiences aux gens, pour réciter aux gens par cœur ce qu'ils connaissaient. Et ensuite, il y a une. Ça fait du bruit, donc le bouche à oreille. A fait que tous les gens étaient émerveillés et se rapprochaient de ce jeune, parce que ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a un jeune converti qui connaît par cœur le Bukhari, musulman, qui connaît par cœur Al-Keshaf de Zamakhshari. Donc Keshaf, c'est un livre de tafsir qui est basé sur la langue arabe. C'est le tafsir fait sur base de la langue arabe par Zamakhshari, qui était un Mu'tazili, et il connaissait ces livres-là et d'autres livres par cœur, il les connaissait par cœur. Donc tous les jours, il venait au même endroit, et il récitait de mémoire ces livres-là, les gens restaient et écoutaient. Et c'est jusqu'au point où ça arrivait aux oreilles de l'imam Ibn Kathir, donc qui est venu assister à ses assises, et qu'il l'a écouté, et ça l'a plu. Il est allé vers ce jeune converti, et il lui a donné l'ijaza. Il lui a autorisé à rapporter de lui, donc l'imam Ibn Kathir lui a autorisé à ce jeune de rapporter de lui tout ce qu'il rapporte. Il l'a autorisé de rapporter de lui tout ce qu'il rapporte comme un hadith et comme livre dans les diverses sciences, tellement il a donné ce qu'on appelle l'ijaza al-amma. L'ijaza al-amma. Ça veut dire quand un chef voit un un étudiant qui n'est pas de sa ville, qui n'est pas de son pays, et il voit qu'il est quelqu'un qui est, par exemple, moucherite dans la science, qui a des connaissances et qui a fait fournir des efforts pour la blague, et qui voit qu'il est apte à transmettre donc la science, il peut, sans qu'il ait étudié chez lui plusieurs années, pendant une période bien définie, sans qu'il ait étudié chez lui, juste par une seule rencontre, lui délivrer ce qu'on appelle Al-Ijazatul Amma. Donc lui délivrer donc l'autorisation de rapporter de lui tout ce que ce professeur rapporte. Et donc le Moukhati lui a accordé ça. Et quand il lui a accordé cela, le jeune a souri, a été content, et il lui a dit, moi si je suis venu ici dans cet endroit-là, et que j'ai récité comme ça et j'ai attroupé les gens autour de moi, ça n'était que pour une seule raison, c'est parce que je te prenais pour modèle et je t'aimais beaucoup en tant que savant que tu étais un modèle pour moi dans la science, et c'est ainsi que l'Ibn Kathir lui avait. Donc c'est ça en fait l'histoire. Ce jeune-là qui connaissait tous ces livres-là par cœur était venu dans un seul but, c'est de pouvoir obtenir une ijaza de l'Ibn Kathir. Mais nous ne pouvons pas le trouver. Et la difficulté de pouvoir rester avec lui et de prendre de lui pendant une certaine période, dans la mesure où il ne venait pas de ce pays-là et qu'il venait de loin, il a trouvé comme méthode pour se rapprocher de l'Ibn Kathir le fait de faire des ce qu'on appelle des majalis sima, de faire des assises où il récite par cœur les livres de hadith ou autres, puisque comme on dit, il connaissait par cœur, il y avait Al-Kashaf de Zamakhshari. Donc voilà, ça c'était une parenthèse pour dire que à l'époque de ces imams, ce qui était appris c'est Al-Mutawwalat, pour nous motiver nous à apprendre Al-Mukhtasarat. Nous, pour nous motiver, essayer d'apprendre Al-Mukhtasarat. Si au fur et à mesure des années où on évolue dans la science et on apprend, ne serait-ce que chaque année apprendre un Mukhtasar dans une science, ça sera très profitable pour le restant de notre vie. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès en voulant trop apprendre d'un coup pour tout lâcher par la suite, mais en allant petit à petit. Comme certains anciens disaient, même Arab al-Ilm Jumla, Zahaba al-Ilm Jumla. Celui qui va voir la science d'un coup, il la perdra d'un coup. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah était parmi donc, il a écouté beaucoup de livres de hadith, au point que les gens de son époque disaient que si un hadith n'était pas connu de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce n'était pas un hadith. Donc, dans la mesure où il a écouté tellement de livres de hadith, les gens disaient, si Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ne connaît pas un hadith, ça veut dire que ce n'est pas un hadith. C'est pas possible que ce soit un hadith si lui ne le connaît pas. Et de même, Cheikh l'Islam était quelqu'un qui avait une mémoire qui était très très forte, très très forte. Il avait un chèvre qui était qawi, il connaissait énormément de choses par cœur. Au point que il avait rencontré en Égypte un des imams de son époque, qui est Ibn Dakhik al-Aïd, et ils ont discuté, ils ont échangé. Et quand Ibn Dakhik al-Aïd, on l'a questionné au sujet d'Ibn Taymiyyah, après qu'ils aient échangé ensemble, qu'il son avis au sujet de Cheikh l'Islam, il l'a décrit comme étant quelqu'un en face de qui, c'est comme s'il l'a décrit comme étant quelqu'un qui était assis, comme s'il était quelqu'un assis sur une table, et sur cette table-là, à la place que ce soit des mères, à la place que ce soit des assiettes de nourriture, ce sont toutes les sciences qui sont posées devant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et il choisit ce qu'il veut, d'où il veut. Pour vous dire à quel point c'était qu'il y avait une mémorisation qui était forte, et qui était extrêmement fiable, au point qu'il a été décrit par l'imam Ibn Dakhik al-Aïd comme étant quelqu'un qui était assis devant une table sur laquelle sont disposées toutes les sciences, et il pioche ce qu'il veut, où il veut. Et de même, Charles-Étienne de Boutéimia, il aimait beaucoup la science du tafsir. Donc en plus d'être un savant muhaqqiq dans l'aqida, le fait d'être un savant vérificateur dans l'aqida, qui est l'aqida de Salaf, comme vous vous rappelez, on avait évoqué que tout ce qui avait été écrit avant Cheikh Islam ibn Taymiyyah par les Salaf, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il l'a pris et il l'a simplifié, développé, expliqué dans ses ouvrages, au point qu'il est devenu un personnage central dans la Aqida, dans la mesure où tout ce qui a été écrit avant lui se trouve dans ses ouvrages, et tous ceux qui ont écrit après lui se sont basés sur ses ouvrages. Donc après, que ce soit un muhaqqiq dans la Aqida, que ce soit un muhaddith, c'est aussi un mufassir. Sur l'islam ibn Taymiyyah, c'est aussi un fassir. Et c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Sur l'islam ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup et qui lisait vite. Mais pas une lecture rapide de laquelle on ne profite pas. Par exemple, lui, celui rapidement, on ne va pas profiter de ce qu'on va lire. On a besoin de lire de manière, de méditer en même temps. Lui, il lisait vite, mais tout ce qu'il lisait, il en tirait profit et comprenait ce qu'il disait. Ce qui fait qu'il avait des connaissances encyclopédiques. Et parmi les sciences qu'il aimait beaucoup, la science du tafsir, au point qu'il a été rapporté que tous les vendredis, à une période donnée, il faisait le tafsir de Sourate Nuh. Il faisait le tafsir de Sourate Nuh et il l'a fait pendant des années. Ça a duré plusieurs années. Pendant plusieurs années, il faisait le tafsir de Sourate Nuh. Et donc Sourate Nuh, comme vous savez, c'est une sourate qui fait un recto verso dans les pages de le Mus'haf. Et Charles Islam ibn Taymiyyah est resté plusieurs années à la commenter. Pour qu'on se rende compte à quel point c'était un bahar, à quel point c'était un océan dans la science. Et parmi les mufassirines qui l'aimaient beaucoup, il y avait un mufassir de son époque qui s'appelait Ibn Hayyan. Et Cheikh l'Islam, il avait voulu le rencontrer. Et il l'a rencontré et il a discuté de certains choix que Ibn Hayyan avait fait dans son tafsir. Il a discuté des choses qui étaient en rapport avec la grammaire, avec le nahw. Il avait relevé des erreurs grammaticales chez Cheikh l'Islam. Il avait noté chez lui des erreurs grammaticales et il l'a évoqué devant lui. Et donc Ibn Hayyan lui a expliqué que ce n'était pas des erreurs puisque c'était les avis de Sibawi. Donc Sibawi, c'est l'auteur de livres de référence dans le qui s'appelle Al-Kitab. Et donc Ibn Hayyan lui a dit ça, c'est les avis de l'imam Sibawi dans son livre Al-Kitab. Et Charles-Étienne de Boutéimia, j'avais répondu que Sibawi, c'était pas une preuve, et que dans son livre Al-Kitab, lui-même, Charles-Étienne de Boutéimia, il avait relevé au moins 80 erreurs grammaticales chez Sibawi. D'ailleurs, il existe même un livre de Cheikh Nasser al-Fahd, Fakallahu Asra, qui s'intitule, donc le titre, c'est pas Big Dog. C'est le titre que je donne du livre, c'est pas le titre forcément exact, mais c'est quelque chose qui ressemble, parce que c'est vrai, j'ai pas pu y avoir accès jusqu'à aujourd'hui. Donc si quelqu'un parmi vous là, ça m'intéresse, c'est l'Ikhtiarat al-Nahwiya, l'Ikhtiarat al-Islam ibn Taymiyyah. En fait, c'est un livre qui est écrit chez Nasser al-Fahd, c'est un livre qui est édité, dans lequel il a compilé les avis grammaticaux de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc à travers ses avis grammaticaux, à travers ses ouvrages, il a regroupé de ses divers ouvrages et il en a fait un livre, donc une étude. Donc ceci pour dire aussi donc que Cheikh l'Islam c'est un grand grammairien, un grand nahoui, et en plus d'être aussi un grand faqih, même plus être un mujtahid. Et de même, Cheikh Islam ibn Taymiyyah était quelqu'un qui était très cultivé Et on voit que même si c'est quelqu'un qui a toujours étudié sur des bases saines, il n'a pas été, par exemple, éprouvé comme beaucoup de gens de cette époque-là par ce qu'on appelle la MKLM, ou bien par la philosophie, bien qu'il n'ait pas été éprouvé par cela et qu'il n'a pas étudié cela, il a lu des livres dans la philosophie. Et il a réfuté les personnes qui étaient des spécialistes dans le Kalam, dans la philosophie à son époque, au point qu'il ramenait même des arguments tirés des livres, des imams de sciences-là, que eux-mêmes n'avaient pas lu, et que eux-mêmes ne connaissaient pas, mais ils maîtrisaient mieux que le sujet dans lequel ils étaient spécialistes. Tout ça pour dire que Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un de très cultivé, qui lisait beaucoup, qui retenait beaucoup. Le livre Ar-Rad ala al-Muntaqiyin, pour celui qui peut le lire ou juste le feuilleter, ça nous montre à quel point Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, pourquoi il était Cheikh Lislam. Donc voilà, donc en ce qui concerne la science, Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah, il était spécialiste dans toutes les sciences. Pour résumer, il était spécialiste dans toutes les sciences. Et ce qui nous montre que Simon était vraiment un grand imam dans l'histoire de l'islam et des sciences islamiques, c'est le nombre de grands élèves. Le nombre de grands élèves qu'il a sortis. pour mesurer le savoir d'un cheikh, en dehors du nombre de professeurs qu'il a eu et le nombre d'écrits qu'il a fournis, il y a aussi le nombre d'élèves qui sont sortis de son école et qui sont devenus par la suite des grands imams. Par exemple, là, juste qui me vient en tête, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Zahabi, Ibn Rajab, Ibn Abdul Hadi. Juste ces 5 imams qu'on a cités sont les grands imams dans l'histoire de l'islam, et ils sont sortis, ils sont désolés de chez Ibn Taymiyyah, ce qui montre à quel point c'était un grand imam. Et en ce qui concerne les livres, Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah, il a écrit de nombreux ouvrages, au point que certains ont dénombré le nombre de volumes qu'il aurait écrit, le nombre de 300, et d'autres ont dénombré son nombre d'ouvrages à 500. Certains ont dénombré qu'il aurait écrit 500 volumes, et d'autres ont dénombré qu'il aurait écrit 300 volumes. En ce qui concerne son temps de vie, si on compare son temps de vie par rapport à ce qu'il a produit comme livre, ceux qui ont calculé ont dit que ça voudrait dire qu'il écrivait 100 pages, ça reviendrait à ce qu'il écrit tous les jours de sa vie 100 pages. Le nombre de volumes qu'il a écrit, si on devait calculer ce que ça représente dans sa vie, ça correspondrait à 100 pages écrites par jour. Au point aussi que ce qu'on dit, qu'il était très difficile de réussir à lire son rap, parce qu'il écrivait très très vite. Il écrivait très très vite, et donc c'était difficile de lire son rap, sa manière de d'écrire. Et parmi les ouvrages que Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah a écrit, des ouvrages les plus connus, donc je vais le faire participer. Donc, qui est-ce qui peut me citer les titres d'ouvrages de Cheikh Lislam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en dehors de l'Allah Sahib, parce qu'on l'a déjà cité tout à l'heure, en dehors du poème l'Aniya. Donc, qui est-ce qui peut citer d'autres ouvrages que Solanam? Irtida Salak al-Mustaqim, Salim al-Muslim, Mujmu' al-Fatawa. Donc, Mujmu' al-Fatawa. Mujmu' al-Fatawa, à la base, c'est tout ce qui se trouve dans Mujmu' al-Fatawa, c'est bien écrit sur l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est pas un livre que lui-même a écrit, qu'il a intitulé Mujmu' al-Fatawa, mais plutôt, c'est Cheikh الشيخ ابن القاسم النهدي, الشيخ ابن القاسم النهدي الحنبلي, كي اكوبي بلوزيغ ايبيتر فتاوي de Cheikh l'Islam, et donc qui a sorti donc ses fatwas en 37 volumes, donc 35 volumes de fatwas et 2 volumes pour le sommaire. Donc Cheikh Moukassem Nejdi, il est aussi connu pour avoir compilé en dehors de Majmou al-Fatawa, il a compilé الدرر السنية باك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سي زيلاف اي اوسي كوني بو افوار كومبيلي مجموع الفتاوى دو محمد بن ابراهيم ال الشيخ دونك لا لا كومبيلي سي 3 غراند انسيكلوبيدي الشيخ ابن قاسم المجدي دونك ensuite comme autre livre qui était cité, Al-Iman, Kitab Al-Iman, Kitab Al-Iman qui est en fait le charf de Hadith Jibril, alayhi salam, même le Sunna, qui est une réputation à avoir fait dans l'Al-Qadariya, et aussi son livre dans le Ta'arud Al-Aql et Al-Naql, donc qui fait partie, d'après ce que cite, et les savants qui l'ont lu comme étant les savants qui ont lu ce livre là donc dans le Ta'arud de l'Aql et de l'Naql il le caractérise comme étant après le Coran le meilleur livre qu'ils ont lu même Ibn Qayyim rahimahullah dans sa Nouniya il a un vers où il fait l'éloge de ce livre-là. Donc, c'est un gros livre qui a été édité en une dizaine de volumes. Un gros livre qui a été édité en une dizaine de volumes, qu'Allah al-Bajal nous facilite la possibilité de les lire. Donc le roi Safiyan, hein, donc on a déjà cité, Sharh Hadith al-Nuzul, donc qui se trouve dans les premiers livres du Majmou' al-Fatawa, donc l'Aqidat al-Tadamouriya. Donc est-ce qu'il y a, donc, Risalatun fi ma'na al-Qiyas, l'Aqidat al-Tadamouriya, l'Aqidat al-Hamawiya, Salim al-Muslim, Rashadim al-Rasul, donc on va les citer aussi. رفع الملام عن أئمة الأعلام دونك شرح حديث جبريل دونك كوكي كوني سلمان الإمام دونك سيتي دونك سيتي تو كالور تو كالور aussi quand on parlait du chef on avait cité qu'il a un شرح sur عمدة الفقه dans le monde de l'Abdine le Messie. Et donc il a accordé de nombreux livres, et de nombreux ouvrages. Donc en langue française, les livres qui sont traduits, qui sont faciles à trouver, on va dire, de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, vous avez son livre Imam al-Furqan aussi. Donc vous avez le Furqan qui a été traduit sous le nom du Critère en français. Vous avez le Wasatiyya qui existe en français. Vous avez Muqaddima fi Usul al-Tafsir, introduction au fondement du Tafsir en français. Vous avez le Wasatiyya al-Sughra, la petite recommandation. Vous avez le Wasatiyya al-Kubra, la grande recommandation en français. Vous avez aussi sûrement d'autres livres qui existent. À la Kulihal, les plus faciles à trouver, les le mieux traduit et de mémoire, ces livres-là. Donc, comme on l'a dit, ceux qui ont calculé, ils ont estimé le fait que Cheikh Issa ibn Taymiyyah, par rapport à tout ce qu'il a produit et son nombre, sa période de vie, ça reviendrait à ce qu'il est, il est écrit 100 pages par jour. Ça reviendrait à écrire 100 pages par jour. Et donc ensuite, tout ce poids-là, le poids de la science qu'il a acquis, a fait qu'à son époque, il a eu de nombreux ennemis. Et de nombreux ennemis, de nombreux opposants. Parce que c'est quelque chose qui est connu, c'est que la personne qui a beaucoup de science, elle va être jalousée par ses contemporains et surtout par ses opposants. Ce qui lui a valu le fait d'être mis en prison à plusieurs reprises, et d'ailleurs c'est en prison que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a décédé. Puisque à l'époque, la aqidah qui était propagée, c'était la aqidah de l'Ashaira, et ils ont beaucoup menti à son sujet, ils l'ont accusé de nombreuses choses qui ont fait qu'il était mis en prison à plusieurs reprises. Donc là, on va essayer, j'ai pas vu le repasser, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, ça peut être un petit peu beaucoup. Ça peut être difficile de rester concentré en fait de rester longtemps, d'après essayer de résumer pour la fin. Donc le Cheikh l'Islam, rahimahullah, ce qui lui importait, c'était que la vérité triomphe. C'est pour ça que il n'a pas hésité à réfuter ses opposants malgré qu'ils étaient proches du pouvoir et que par leur cause, il était au cachot à plusieurs reprises, et c'est ça la voix de l'ulama rabbaniyyin, des savants éducateurs, et c'est jusqu'à nos jours c'est cette voix là puisque nous aussi les mashayikhs qu'on considère comme étant les grands imams de notre époque, les grands savants de l'ahli sunna wal jama'a, beaucoup parmi eux sont emprisonnés aujourd'hui par Allah wa sallam al-jami. Et donc Cheikh l'Islam, il est mort en prison, ça lui a valu d'être sa aqida, le fait de défendre le haqq, lui a valu l'emprisonnement, de même que c'était quelqu'un qui agissait conformément à sa science, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de paroles, mais aussi c'était quelqu'un qui agissait, et ainsi il était avec Al-Mujahideen lorsqu'ils appellent djihad contre les Tatars, quand les musulmans ont combattu contre les Tatars par exemple, il était en première ligne, il était sur le terrain, il était au combat avec eux. Et d'ailleurs, dans l'imam Zahabi, quand il décrivait Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il le décrivait comme quelqu'un qui avait un regard. Ce regard, quand on le croisait, on sentait que c'était quelqu'un qui était un homme. Quand je dis qu'il était un homme, avec un grand H, pour traduire Al-Wujula, c'était quelqu'un qui avait Al-Wujula. C'était quelqu'un qui était un homme, qui était fort, qui était ferme. Et dans son regard, ces choses-là, ça se voyait. Mais à côté de ça, le fait qu'il avait un regard qui pouvait vous terroriser quand vous le croisiez, c'est-à-dire l'inspirer en vous une crainte et un respect de lui, même la virilité. À côté de ça, c'était quelqu'un qui était vraiment très doux. C'est quelqu'un qui était vraiment très doux avec les musulmans et avec que ce soit avec ses opposants ou avec ses élèves. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase chez les Sahib ibn Taymiyyah qui disait Ahl al-Sunna. Les gens de la Sunna, ce sont les gens les plus savants de la vérité et ce sont aussi les gens les plus doux envers les créatures, avec les plus doux envers la création. Donc ça, c'est, ça vous décrit l'état d'esprit de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aussi. Et concernant son aspect physique, puisqu'on a parlé de son regard, donc on a parlé de son aspect physique rapidement pour conclure, c'était quelqu'un qui était blanc de peau, qui avait les cheveux noirs, donc il avait les cheveux longs, qui descendaient jusqu'au lobe de ses oreilles. C'est-à-dire qu'il avait les cheveux longs qui descendaient jusqu'au lobe des oreilles. Comme ça, en même temps, on sait que, parce que dans une époque où les gens de l'innovation essayent de faire croire que les cheveux longs, c'est le fait de ressembler au Khawari, etc. Et que leur savoir, eux, parmi les références des gens d'innovation de notre époque, n'avaient pas les cheveux longs. Nous, on leur dit, non seulement le professeur Allah aussi avait les cheveux longs, mais aussi les grands imams de la Sunna à leur tête, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il avait les cheveux longs. Donc en quoi c'est quelque chose qui serait blâmable pour les frères de laisser pousser leurs cheveux. De même, parmi les cheveux qu'au jour de l'année qui ont les cheveux longs, vous avez, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, notre Cheikh Abdel Fadl Omar al-Khattouch, il a les cheveux vraiment très longs. Et donc le Cheikh était blanc de peau, il avait les cheveux noirs jusqu'à la lobe des oreilles, la barbe noire, très peu de cheveux blancs, et c'était quelqu'un qui était grand en taille, quelqu'un qui était viril, qui était fort, qui était imposant, qui était courageux. Et c'est quelqu'un qui était très éloquent, qui lisait très vite, et qui écrivait très vite aussi, et quelqu'un qui était vraiment de très très bon comportement, et quelqu'un qui était très très ascète, quelqu'un qui était très adorateur, qui faisait beaucoup de prières, qui faisait beaucoup de jeûnes. Et donc le Cheikh al-Islam, rahimahullah, il est décédé, donc, comme on a dit, en prison. Cheikh al-Islam est décédé en prison en l'an 698 de l'Hijra. Il est mort en 721 de l'Hijra. Cette date-là, c'est par rapport à un des mensonges célèbres qui a été forgé contre lui par le grand voyageur qui s'appelait Ibn Battuta qui avait menti à son encontre, qui racontait lorsqu'il avait visité Dimashq qu'il était rentré dans une mosquée et qu'il y avait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui était debout à la même date, qui faisait une exhortation et qui parlait des hadiths de Nuzul, le fait qu'Allah Azza wa Jal au dernier tiers de la nuit descend au premier ciel de Dunya. Et il a dit, et il descend comme moi je descends, et Cheikh al-Islam il aurait descendu deux marches pour assimiler donc sa descente à celle du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un mensonge, puisque ça s'est passé en 698 délégué à Dimashq, et à ce moment-là, Cheikh al-Islam il était en prison, et donc il avait été réfuté, ses allégations avaient été réfutées par certains numéros de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme par exemple Ibn Rajab al-Hanbali et Ibn Abd al-Hadi. Donc voilà en ce qui concerne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah de manière très résumée et de manière très ordonnée. Je m'excuse parce que j'ai pas préparé quelque chose de parce qu'à la base je voulais juste en parler grosso modo. Donc comme ça au fil de la discussion, ça, je me suis allé un peu à droite et à gauche pour essayer de décrire grosso modo sa brève biographie. Et j'espère bien là qu'un jour on pourra avoir une biographie en français détaillée de ce cheikh et de cet imam, afin que on se motive en lisant sa biographie qu'on le prenne comme modèle et que ceci nous motive à nous l'inaktadi abihi. En fait qu'on s'en sert pour les suivre dans le bien, ainsi que tous les savants de l'islam. Ce qu'on dit de développer les savants de l'islam, ça nous motive dans l'apprentissage et dans les libérations. Donc Inch'Allah on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اي اكسكيوز بور نوتر دي نوتر دي نوتر ايتالي دونك ان سكي كونسيرن لي كيستيون دي نولاي دونك لي فير لي انفويي او فير دونك تو سو كي كون دي كيستيون بار رابور او كون لي كيستيون دونك اون لي سي دي شوز سي des choses qu'on peut être compris. Vous levez la main, comme ça on sait quand plus personne n'a de questions. On sait quand plus personne n'a de questions. Et donc les frères qui ont des questions, les sœurs qui ont des questions, vous levez la main et vous transmettez au modérateur frère ou modératrice sœur. Et comme ça ils nous les renvoient. Une fois que j'ai tout reçu, Inch'Allah,